I can't stop because we don't stop. Zaku Music. GLB, MAM. L'argent ne fait pas le bonheur, donne-le moi, je vais être malheureux. C'est pas dans ma porte chérie que tu seras le plus heureux. Pendant qu'elle est plutôt mal au cul, ma chérie a mal au cœur. Mais pour elle, je serai comme Jésus sur la croix. Même en mauvaise posture, je ne baisserai jamais les bras. Pendant que nous galérons every day, ces bâtards font de l'argent leur gras. Mon rêve c'est de mourir, je le mets à un âge très avancé. Revivre le Titanic et mourir dans de l'eau glacée. Si la vie me tourne le dos, je lui toucherai les fesses. Trop stress, alors BNB détresse. Bien sûr que je flâne avec elle, mais sache que je fends sans elle. Immigré, dites-moi papier, je vous dirai ciseaux. Vous avez coup de foudre, STF, j'ai des coups d'éclair. Je vis le jour au jour, pour ta jalousie est claire. Pour violer la loi comme Mr. DSK, la colère devrait être consommée avec modération. Alors j'ai faim, où est passé Mr. Modération? C'est qu'on t'a venu à mourir assassiné. Sachez juste que c'est un règlement de compte. J'suis pas un chiffre, alors c'est pas moi que tu calcules. Mais je sais que c'est sur moi que tu comptes. Tous ces jeunes obsédés par les marques, mais dis-moi. Comme Dieu, se rappelleront de moi seulement en cas de besoin. Tu dis que t'aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que t'aimes les chiens et tu leur mets une laisse. Tu dis que t'aimes les oiseaux et tu leur mets en cage. Tu dis que tu m'aimes, alors normal que j'ai peur. Saucisse, LA Golden Gamers Office. Never I go let go. Lego, Lego, let's go. Misérable compagnie, vulnérable, sales amis, vénérable, vrais amis. T'as caché ton vécu, mais pas ta nature de toute cul. Trop d'avance sur toi, donc je savais que tu me haïras. Et vu que tu es un Jésus, comme Judas, tu me trahiras. Pas de coup bas, j'suis là-haut, j'suis le deuxième Spider. Trop de surprise, appelle ma Kinder. Yeah.